voulez, la rue ressent ma peine. J'ai volé ton album, il n'en valait pas la peine. Le prof a fait l'appel, seul ton flow manque à l'appel. L'argent t'a bigo frérot, mais t'as dû manquer l'appel. Yeah, j'ai du boulot pour toi, nettoie mes jantes. Je sais qu'il me fréquente, me copie, j'suis pas un sample. J'ai dû remonter la pente, avec ou sans les ventes. Devant les feux que frérot, je reste droit comme midi 30. Yeah, on parle pas de la fouine à l'imparfait. Dis-moi un délit que je n'ai pas commis, une sombrie que je n'ai pas faite. Yeah, une parisienne que je n'ai pas fourrée. Fourrée, je laisse rien passer, Yaya Touré, c'est la merde. Les douaniers me saoulent pour mon passeport. Y'a plus de place et toi tu taques toujours à Gare du Nord. T'es à l'ouest frérot, en plus t'as plus de bord. Tu soulèves la cuvette des chiottes et nous les raptors. Comme s'ils en valaient la peine. Woo! Comme s'ils en valaient la peine. Winnipeg. Comme s'ils en valaient la peine. Yeah, laisse-les parler, laisse-les parler. Yeah, comme si dans le fond ils en valaient la peine. Ils parlent les uns sur les autres et n'entendent même plus l'Eden. Yeah. Même plus l'Eden. Même plus leurs parents. Ils critiquent Fouini Baby, mais ils m'écoutent 12 mois par an. Yeah, j'ai fait ma route et rien à foutre de plaire. La fouine et le flow, frérot, les deux font la paire. Yeah, en temps de guerre, tu finirais à terre. Et si t'es pas content, autonique toi ta mère. Mes avocats sont juifs, n'ayez aucune crainte. Je mange mes grecs et je laisse les gros salopes porter plainte. J'ai du rosé, on m'a dit que t'aimes. J'vends de la cocaïne pour rouler en Big Ben. J'ai sorti le Zifu, j'suis rentré dans l'arène. J'ai fait le tour du monde, paraît que t'as deux fans à Rennes. C'est trop hardcore, ce qui coule dans mes veines, ça saigne. J'crois que l'album va sortir en césarienne. Comme s'ils en valaient la peine. Woo! Comme s'ils en valaient la peine. Winnipeg. Comme s'ils en valaient la peine. Yeah, laisse-les parler, laisse-les parler. Yeah. Putain, c'est chiant pour les autres. Yeah. Ah, je crois que je vais m'arrêter là, t'as vu? Yeah. J'suis mort, ma gueule. Et puis merde, vas-y, remets le son. Yeah, yeah, depuis que j'ai commencé, je vois bien que toutes les oreilles n'en peuvent plus. Je suis le rap français, toi t'es le bouton avec un peu de pu. À force de césure, yeah, tu pars en 7 su. Je fondais mon label quand tu faisais la coupe de tes culs. Yeah, tu fais les courses, n'oublie pas les capotes. Tu fais du pisse, n'oublie pas les carottes. T'appelles parloir, ramène-moi un 12. Tout le monde les mains en l'air, à part Jamel Debbouze. Comme s'ils en valaient la peine. Woo! Comme s'ils en valaient la peine. Winnipeg. Comme s'ils en valaient la peine. Yeah, laisse-les parler, laisse-les parler. Comme s'ils en valaient la peine. Woo! Comme s'ils en valaient la peine. Winnipeg. Comme s'ils en valaient la peine.